Agence matrimoniale de Laetitia Bianchi. Épisode 3. La mer ou la montagne ? Les agences matrimoniales sont bêtes. Elles cherchent l'histoire là où on veut la géographie. Combien de couples se séparent parce que le voyage de noces, elle le voulait à Paris, Texas, pas Paris, Tour Eiffel ? Parce qu'il aime la mer et elle la montagne, parce qu'elle aime l'eau douce et lui l'eau salée. Dorénavant, c'en est fini de ces malentendus. Vous lui tendez une carte au 25 millième et une boussole. Il a 10 secondes pour se décider à vous emmener au bout de son monde. Donc, mademoiselle, vous souhaitez un aventurier, un baroudeur, un bourlingueur, un routard, ou au contraire un homme organisé ? Vacances planifiées, GPS, Google Earth, Google Maps, Google Too, chemins sans traverse et passages cloutés. Je sais pas. Vous savez, mademoiselle, des vacances réussies, c'est le gage d'une entente spatio-temporelle de longue durée. Si l'un aime la mer et l'autre la montagne, les premières années on s'accommode, mais ensuite c'est foutu. Donc, la mer ou la montagne ? La mer. La mer, oui. Et la montagne, Je sais pas. Vous ne savez pas. Bon, ben, il faut savoir, justement. Bon, on va s'aider avec des images, des mots, du concret. Si je vous dis New York ou Pékin ? Pékin. New York, Pékin. Non, à vrai dire, je sais pas. New York ou Pékin, vous ne savez pas. Bon, soit. C'est vrai que c'est de grandes villes. Bon, on va s'y prendre autrement alors. Si je vous dis Saint-Paul-de-Vence ou Calcutta, vous savez, non ? Alors, Saint-Paul-de-Vence, je crois que... Mais... Calcutta, en même temps, Calcutta, c'est... Alors, je vais te dire... Non. Je suis désolée, vraiment, mais... Je sais pas. Vous ne savez pas. Vous êtes en train de me dire que vous ne savez pas si pour les vacances, vous préférez partir à Saint-Paul-de-Vence ou à Calcutta. Vous ne pensez pas d'un côté ou de l'autre. Vous n'avez pas une petite préférence ? Bah, non. Je crois bien que non. Vous croyez ou vous êtes sûre ? Bah, je crois que je suis sûre. Alors ça, je n'en ai jamais vu une comme vous. Tombouctou ou Helsinki ? Venise ou le pôle sud ? Le Sahara ou le Mont-Saint-Michel ? Manosque ou Rotterdam ? Alors... L'île de Croix ou Hawaï ? Non, mais vous êtes une réincarnation géographique de l'âme de Buridan, ma parole. Bon, écoutez, mademoiselle, je crois qu'on perd toutes les deux notre temps. Si vous ne savez pas si vous préférez Hong Kong ou la Grande Motte, eh bien, moi, je n'y peux rien. Prenez une carte du monde et réfléchissez. Je peux aider les gens à trouver l'entente géographique ou amoureuse, mais je ne peux pas non plus faire des miracles. Alors, prenez votre temps, réfléchissez, et revenez quand vous aurez un début de quelque chose. Et on remplira votre fiche à ce moment-là. Au suivant ! Je peux ajouter un petit quelque chose ? Oui, bien sûr, mais que ce soit rapide. Hein. J'en ai 15 autres derrière et qui savent faire la différence entre Chamonix et Dubaï, eux. Eh bien, sur ma fiche, J'aimerais bien qu'il y ait écrit un truc comme... Je sais pas trop s'il y a la place, mais... Un truc comme quoi ? Un truc comme ce que je vais dire. Bon, ben, et dites alors. Allez, ouvrez la bouche pour une fois, on verra bien s'il y a de la place ou s'il n'y a pas la place. Eh bien, sur ma fiche, j'aimerais qu'on écrive... J'aimerais qu'il m'emmène dans un village qui ne soit pas plus beau village de France. Bon, eh ben, on enlève Camp de Saint-Martin, Barfleur, Talmont-sur-Gironde, Saint-Suliac. J'aimerais qu'il me laisse marcher dans un lieu qui ne soit ni site naturel classé, ni site naturel inscrit, ni grand site de France. Bon, ben, on enlève la baie de Somme, l'aiguille du Midi, le bassin d'Arcachon, le bocage normand, la dune du Pilat, le col du Tourmalet. J'aimerais qu'on traverse des villes qui ne soit pas plus beau des Tours de France. Envernejean le retrouve, Villefranche de Rouergue. Qu'on visite des petites cités qui ne soient pas petites cités de caractère. Adieu, Roscoff. J'aimerais qu'on marche dans un paysage qui ne soit pas pays des impressionnistes, avec une majuscule à pays et un logo à impressionniste. Bye bye, Auvers-sur-Oise. J'aimerais traverser des villages où les gens plantent des fleurs sans l'arrière-pensée d'une fleur supplémentaire sur un affreux panneau ville fleurie où la notion même de fleur s'étiole et se fane. Bon, eh bien, on enlève avec les mains et bombe les mimosas. Bon, eh bien, je crois qu'on en a fini, non? J'aimerais aller là où les mots n'habillent pas les choses comme un chapeau de mariage. J'aimerais déchirer les pages des guides. J'aimerais décider moi-même de ce qui est monumental et ce qui ne l'est pas. J'aimerais m'émouvoir à l'intérieur d'un monde qui ne soit pas patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh, surtout, surtout pas patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh, ben, il manquait plus que ça. Ne pas vouloir voir Borobudur ni la grande pyramide du soleil. Ben, elles vont être gaies, vos vacances. J'aimerais marcher en pointillés sur les rebords du monde. Pensando cada día, cada hora. Agence matrimoniale de Laetitia Bianchi. Pensando en ti. Avec Christiane Coendi, Pauline Bell et la voix de Marlène Goulard. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Laure Egoroff.